Bibi meni bongo bongoza niziwite Bibi meni bongo mama bongozi wite Bibi meni bongo bongoza niziwite Bibi meni bongo baketo mbolugomba mbolugombe mukwela ndimbongwe mbolugombe mubika mbolubika mbolugombe Bacaba premier bureau, Molugombe, Bacaba deuxième bureau, Molugombe, Bacaba troisième bureau, Molugombe, Bacaba quatrième bureau, Molugombe, Bacaba cinquième bureau, Molugombe. Ah, Patweba. Acabouna pour tout monnaie. Ambeka tuyani se muni sola. Tuyani nukwele seka zikom niko tukwele sene. Kuna putukwele solo sene, nukwele tukwele solo sene. Muni sola wo bikene, muni sola wo bikene. Ya bushi. Tuyani bo wa shiri. Mabula fiye. Boti mona. Ah. Ngombo nga tuyi shiri yo. Deuxième bureau, Molugombe, Bacaba troisième bureau, Molugombe, Bacaba quatrième bureau, Molugombe, Bacaba cinquième bureau, Molugombe.